En fait, comme les vacances de Noël s'en viennent à grands pas, nous faisons appel à vous dès maintenant pour que vous nous envoyiez vos suggestions de sujets ou de chroniques que vous aimeriez qu'on aborde après Noël. En fait, l'équipe de Connaître Ensemble commence déjà à préparer la programmation hivernale de l'émission. Nous sommes vraiment curieuses de connaître vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire à co-naître.ensemble@uqtr.ca. Alors, revenons à notre émission d'aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, parmi les pièces de théâtre engagées et féministes au Québec, il y a eu les fameux monologues du vagin d'Eve Ensler. Écrite dans les années 90 et jouée à ce jour dans plus de 130 pays, cette pièce de théâtre a créé un véritable engouement un peu partout sur la planète. Encore à chaque année, on trouve au Québec certaines productions qui montrent de façon indépendante les monologues du vagin. Dans le même ordre d'idée, 10 ans après l'écriture de cette pièce, une autre auteure s'attaque à un sujet bien d'actualité, la naissance. En effet, Karen Brody a écrit ce magnifique texte qui fait maintenant le tour de la planète et par chance, nous avons le plaisir d'avoir pour la première fois au Québec une production de la pièce « Naissance ». Le 26 novembre à Québec et les 13 et 14 décembre prochains à Montréal, vous aurez la chance de vivre l'expérience « Naissance ». Et moi, j'ai la chance d'accueillir en studio deux femmes impliquées à fond dans la production de la pièce « Naissance ». Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Véronique. D'abord, je vais commencer en vous présentant. Ici, j'ai Maude Poulain, qui est directrice de production. Bonjour, Madame Poulain. Bonjour. Et j'ai Annie Arsenault, qui est comédienne. Bonjour, Madame Arsenault. Bonjour. Vous êtes toutes les deux mamans, j'aimerais le souligner. Puis je vous remercie vraiment d'être présentes ce matin. Vous avez bravé la pluie et la tempête. Ça nous fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir, oui. Merveilleux. Donc, pour commencer, Madame Poulain, pouvez-vous nous situer un peu plus par rapport aux origines de la pièce Naissance, puis nous expliquer comment la pièce est atterrie ici au Québec? Donc, premièrement, la pièce a été écrite en 2004 par l'auteur Karen Brody, qui est une Américaine qui vit dans Washington, D.C. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très impliquée depuis très longtemps en France, dans les associations en périnatalité en France, parce que j'ai habité 10 ans là-bas. Et au travers le réseau, finalement, de femmes engagées, d'organismes, d'associations, j'ai rencontré l'association qui fait la pièce à Paris, qui s'appelle Les Femmes Sauvages, la production de la troupe de théâtre, finalement. Et j'ai vu ça à un moment donné sur Facebook, Les Femmes Sauvages font la pièce Naissance à Paris. Aïe, aïe, c'est quoi ça? Et donc, moi, étant au Québec, j'ai écrit aux filles, puis je leur ai dit, hey, il faut venir faire ce show-là au Québec, parce que, attends, nous autres, ça nous intéresse aussi. Et donc, l'idée est arrivée comme ça, et puis ensuite, je travaille de pair avec une collègue qui s'appelle Joanne Benoît, où on travaille à l'Union des artistes avec des comédiennes, et on enseigne une technique qui s'appelle la technique Alexander, qui est une technique corporelle, éducative. Beaucoup de comédiens sont très intéressés et connaissent cette technique-là parce que c'est utile dans leur profession, finalement. Et elle est metteur en scène et elle travaille aussi au cégep Lionel Groulx. Elle enseigne le théâtre. Puis on s'est dit à un moment donné, il faudrait-tu, excusez mon français, mais il faudrait-tu monter un show comme ça ensemble puis le travailler avec la technique Alexander qui est notre outil de base. Et donc, c'est arrivé comme ça, l'idée. Wow, quelle belle approche. Est-ce qu'on aurait raison là, de qualifier la pièce Naissance de monologue du vagin, mais sur la naissance? Tout à fait. Bien, c'est en effet, même au niveau mondial, si je peux dire, c'est très, très, très souvent comparé à ça parce que le processus, il est le même. Le processus de création, il est le même. Karen Brody a rencontré 130 femmes qui lui ont raconté leur accouchement. Et suite à ça, elle a fait un texte. Donc, c'est tout. Je veux dire, les personnages dans la pièce, il y a Jillian Demoya. Ben, Jillian Demoya, c'est mon ami Facebook. C'est des gens qui existent. C'est pas des histoires inventées. C'est un regroupement de témoignages. Finalement. Donc, est-ce qu'il y a quand même un fil tout au long de la pièce? Il y a une histoire ou il s'agit plus de témoignages fragmentés? Bien, peut-être que je laisserai Annie peut-être répondre à cette question-là. Bien, en fait, c'est ça, c'est différent. On assiste à différents accouchements. On a parlé de Jillian, donc c'est la seule qui revient nous raconter tous ses accouchements, parce qu'elle en a eu quatre, elle en a vécu quatre. Donc, on assiste au conte, à l'explication, au récit de ces accouchements-là, qui sont vraiment tous différents, autant dans la personnalité des femmes que dans le déroulement de l'accouchement même. Thématiquement parlant, on aborde la césarienne, la péridurale ou l'épidurale, comme certains le connaissent. Le refus de vivre l'accouchement sous péridurale, l'accouchement naturel, l'accouchement en maison de naissance, à l'hôpital, tout ça, assisté par qui. Alors voilà, grosso modo, c'est ça la pièce. Je te dirais que le fil directeur, malgré qu'on entend plusieurs femmes s'exprimer là-dessus, on voit beaucoup l'évolution de Jillian. Comme elle a eu quatre enfants, on la voit à son premier accouchement et à la fin du dernier accouchement, elle a vécu tout un processus de réflexion. Donc, on peut voir une différence entre le début et la fin de cet accouchement-là. Alors voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, l'auteur a vraiment voulu représenter toute la gamme possibilités. Oui. Bien, en fait, le but de la pièce, c'est de sensibiliser les gens à l'humanisation de la naissance. Donc, qu'on décide d'accoucher à l'hôpital, à la maison de naissance ou à la maison, ce qui s'est déjà pratiqué puis ce qui revient aussi dans le désir des femmes, bien, l'idée, c'est d'accoucher puis d'avoir un sentiment de sécurité. Donc, je pense que le propos de la pièce, c'est ça, c'est de rendre l'accouchement, de revenir à un mode plus humain de l'accouchement. C'est une belle mission. je reviendrai à Madame Poulain. En fait, est-ce qu'il faut entreprendre des démarches spéciales pour faire jouer la pièce dans son pays? Parce qu'on a dit qu'elle avait vraiment été produite dans plusieurs pays. Oui, tout à fait. Bien, justement, au tout départ, quand on a voulu faire ce projet-là, c'est très simple. Quand je suis allée sur le site pour commencer, pour me familiariser avec la pièce, l'auteur, c'était écrit en rouge « Vous voulez monter ce spectacle dans votre pays? Voilà comment faire. » Oh mon Dieu! Donc, moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. C'est très clair, très simple. Et la façon comment le projet est présenté, en tout cas, cette formule-là qu'on a choisie doit être obligatoirement bénéfice. Ça doit être un spectacle bénéfice où 75% des revenus de la vente de billets doit être remis à un organisme dans le milieu de la périnatalité. Et Karen Brody, elle prend 50$ de droits d'auteur, ce qui n'est strictement rien pour un spectacle. 50$ de droits d'auteur, c'est des peanuts. Donc, elle se dit, elle veut que le spectacle, elle soit vraiment au cœur des questions des populations, des communautés mondiales au niveau de la périnatalité. Donc, elle aussi, ben, elle coupe la poire en deux pour ses droits d'auteur, étant donné que tout le monde est bénévole. Fait qu'elle, elle se dit, ben, pour que son projet puisse vivre, puis que ce message-là puisse continuer de passer de femme en femme, il est important. Donc, on peut faire la pièce sans avoir ce volet-là bénéfice. Mais nous, étant donné que on voulait monter ce projet-là. C'est un projet qui porte beaucoup de chapeaux. Donc, c'est important pour nous que ce soit bénéfice puis que tout le monde profite de ce projet-là à sa juste valeur. Mm-hmm. Et par ailleurs, là, je devance peut-être un peu les questions, mais par ailleurs, l'organisme qui a été qu'on a choisi à qui on donnerait les profits, c'est AVAC Info. Oui, tout à fait. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est très important que c'est très intéressant que vous nous le mentionniez. Pour revenir justement à l'ébauche du projet, j'imagine que ça prend beaucoup de temps à préparer un projet comme ça. Donc, depuis combien de temps vous travaillez au développement du projet Naissance? Bien, tout a commencé au mois de mars-avril, à peu près, au printemps, de façon plus générale. Donc, comme Maud l'a mentionné plus tôt, elle et Joanne Benoît, qui va signer la mise en scène, travaillent conjointement avec l'Union des artistes pour enseigner la technique Alexander. Et ça, c'est par le biais de la formation continue de l'UDA que le spectacle a été mis sur pied. Donc, la technique Alexander est déjà enseignée. Il y a un niveau d'introduction, c'est-à-dire le niveau 1, il y a un niveau 2, et elles ont pensé à faire un niveau 3, donc qui serait pas juste de travailler la technique Alexander, mais de monter un spectacle tout en travaillant la technique Alexander. Donc, la formation continue de l'UDA a proposé, parce qu'à chaque saisons ou à chaque deux saisons, l'UDA propose des ateliers, dont celui-là. Et il fallait s'inscrire, il y a eu une sélection. Et puis voilà, on s'est retrouvés 6 comédiennes et un comédien à être sélectionnés puis à monter ce spectacle-là. D'accord, et puis... Ah oui, la question, oui? C'est ça, c'était oui? Combien de temps? Donc, ça, oui. tout ça a commencé au printemps. Mais on s'est vraiment mis en répétition à la fin de l'été, parce que c'est sûr que bon, le temps que la sélection avec l'UDA se fasse, ça peut quand même être long. Bon, y a des intermédiaires, là, y a des gens... Donc, il y a eu des premières répétitions. Comme on n'avait pas à monter, à écrire de texte, il fallait comme plus prévoir un temps de répétition. Donc, depuis la milieu, fin août, on répète. J'ai pas calculé le nombre d'heures de répétition. 80 à peu près. Oui. Peut-être un peu plus que ce qu'on croyait, parce que finalement, c'est sûr qu'en tant que comédien, on veut toujours donner un petit peu plus. Puis chacun fait son travail individuel à la maison. Donc, en fait, de moi, on peut dire que ça va avoir été le temps d'une grossesse. C'est un processus, quoi. Oui. Pardon, en fait, c'est très intéressant tout ça. Puis, je voulais en revenir un peu à l'équipe de production. Donc, qui forme votre équipe de production? Vous m'avez dit que c'est des bénévoles. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Eh bien, c'est sûr qu'au départ, quand on a commencé, c'était simplement Joanne et moi, au tout départ, parce que ça devait pas être aussi grand que ça. Puis là, plus on a commencé, tu sais, moi, c'était quand même difficile de se dire, on va faire ce show-là dans un sous-sol d'église, puis ça va passer comme ça. Donc, finalement, on est... j'ai lancé beaucoup d'appels, finalement, de dire, est-ce qu'il y a des gens, des bénévoles, du monde qui ont le goût de travailler sur ce projet-là? Puis en fonction des gens qui vont s'impliquer, le show aura une allure en fonction des implications des uns et des autres. Et donc, à Montréal, on est peut-être 4 ou 5 qui s'occupent. Il y en a une, Katia Bellil, qui s'occupe des partenaires. Il y a Sonia Laroche, qui est accompagnante aide natale d'ailleurs, qui elle s'occupe de l'organisation. On a chacun des dossiers qu'on se partage. Josino, qui s'occupe de d'autres aspects. Il ne faut pas que je me mette à toutes les nommer parce que je vais sûrement les oublier, ce serait dommage. Mais c'est parce qu'au départ aussi, Maude portait tous les chapeaux, c'est-à-dire productrice, direction de production, recherche de commandite et partenaire et photographe de plateau parce qu'elle vient souvent, presque tout le temps aux répétitions, conseils sur les sons adoptés pendant qu'on fait l'accouchement en répétition, posture, technique Alexandre. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, je pense que Maude s'est dit, OK, il faut que j'aille me chercher des gens. Donc, il y a des bénévoles, il y a des gens qui s'impliquent au niveau de la production. Il y a une sage-femme puis une accompagnante qui se sont impliquées, qui sont venues nous aider à revivre l'accouchement. Parce que quand tu le vis, tu le vis. Mais quand tu le joues théâtralement parlant, c'est d'autres choses. Sur quoi tu te reconnectes pour le jouer? À part ça, donc, il y a une équipe à Québec, il y a une équipe à Montréal. Donc, ça fait au total, à combien on pourrait comptabiliser le nombre de personnes? Mais il y a une trentaine de personnes. En ce moment, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur Naissance à Québec, Montréal. Autant tout l'aspect technique, l'aspect mise en scène, l'aspect conseil, l'aspect relation de presse. Oui, relation de presse. Donc, dans tous les volets, il y a à peu près une trentaine de personnes, Québec, Montréal, là, qui se sont mis, qui se sont engagées. Beaucoup, quand même. Wow, c'est vraiment une belle équipe. Puis vous me disiez que tout le monde est bénévole, donc tout le monde donne de son temps gratuitement, c'est ça? Oui. Oui, la réponse, elle est oui. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, étant donné que tout le monde est bénévole, qu'on revient au sujet des femmes, donc la naissance, le choix des femmes, les besoins des femmes, et parce que... Étant donné qu'on n'est pas là pour parler des bébés, des familles, des pères, hein, puis dans le show, on le voit très bien, il n'y a pas de bébé, là. Dans le show, il n'y a pas de bébé, on n'en voit pas. On est là pour parler de ce que les femmes vivent, de ce que les femmes vivent pendant qu'elles accouchent. Donc, on est de plus en plus précis. Mais ça fait que ça touche vraiment les gens. Les gens se sentent concernés par ce projet-là parce que les femmes sont concernées. Je veux dire, rares sont les femmes qui vont accoucher, qui vont vivre une expérience de grossesse ou dans la période périnatale qui va la laisser indifférente. Ça peut être difficile ou facile, mais peu importe. En général, général, les gens sont comme « Waouh, moi, ça m'intéresse de pouvoir en parler, de pouvoir partager des choses, ben, de pouvoir m'impliquer là-dedans. Mm-hmm. » Puis c'est pour ça que ça prend cette forme-là, je pense. Par ailleurs, Karen Brody, elle a fait le choix, parce que quand on a lu la pièce, on se disait « Elle est où la place de l'homme là-dedans? » Peut-être que si on montait un spectacle au Québec, on donnerait une place à l'homme. Mais Karen Brody, elle a vraiment fait le choix de donner la parole aux femmes. Il y a un comédien dans la pièce qui prend la peau de différents personnages, un père, un mari, un médecin, un chauffeur de taxi, nommez-en. Mais il est vraiment là pour compléter ce que les femmes expriment pendant ce spectacle-là. Mmh. D'accord. Puis justement, en parlant des comédiens, vous m'avez dit qu'il y avait 6 comédiennes, un comédien. Vous m'avez parlé un petit peu du processus de sélection. Donc, j'imagine que ça prenait aussi beaucoup de disponibilité personnelle pour s'investir dans un projet comme celui-là pour les comédiennes, entre autres, qui doivent, j'imagine, faire un grand processus d'intériorisation puis, comme vous disiez, se remettre en contact avec, avec l'accouchement, l'enfantement. Ben, au niveau de la disponibilité, disons qu'on est toutes sur le même mode de vie, c'est-à-dire qu'on a toutes et tout, parce que tout, c'est le garçon, l'homme, des enfants. Donc, on est sur un même rythme de vie. Mais on a toutes vécu l'accouchement et notre comédien a vu assister l'accouchement de sa conjointe. Donc, on savait, on connaît par expérience, c'est pas juste une connaissance intellectuelle de l'accouchement. Donc, on avait une expérience sur laquelle on pouvait se référer, sauf que le personnage que chacune interprète ne vit pas nécessairement un accouchement que la comédienne même a vécu. Donc, moi, par exemple, si j'avais eu le rôle du personnage qui vit une césarienne, moi, je n'ai pas connu la césarienne, donc je ne peux pas savoir c'est quoi. Il y avait quand même certaines notions qui devaient nous être enseignées, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, d'aller piger dans son vécu, c'est sûr que ça peut faire une différence. Je suis certaine que si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais probablement pu jouer l'accouchement, mais jamais comme je le fais maintenant, aujourd'hui. Puis une petite parenthèse, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que, ben, étant donné qu'elles ont toutes eu un accouchement ou des accouchements, c'était très intéressant de voir leur processus intérieur qu'elles vivent, parce qu'il y en a que, surtout dans les premières semaines de répète, tu sais, ils ont commencé à avoir mal au corps, des endroits qui avaient mal quand ils étaient enceintes, qui n'ont jamais eu mal, là, tu sais, puis ça fait quelques années qu'ils ont accouché, 5-6 ans, peu importe. S'il y en a qui ont des césariennes, tu sais, qui ont eu mal, des grosses douleurs, à la cicatrice, des choses comme ça, dans le sens que ça fait revivre intensément des choses, tu sais, tant comédien, de se relaisser, tu sais, toucher et replonger dans ces zones-là. Mm-hmm. C'est intéressant de voir comment cette mémoire-là aussi, ouais, du corps revient, refait surface. Puis il y en a pour certaines que c'est comme... C'est un grand processus, là, tu sais, pour... C'est ça. Au même titre qu'un acteur ou une actrice qui jouerait le rôle d'une personne qui vit la mort d'un proche et qui l'a vécu dans sa vie personnelle, peut faire des liens pour son jeu d'acteur, les comédiennes, quand tu accouches et que tu as vécu un accouchement, disons, « idéal », entre guillemets, t'as pas de deuil à faire. Mais quand tu vis un accouchement et que tu as vécu des déceptions, de la tristesse, des choses qui sont pas allées à ton goût, disons, et que tu n'as pas fait la paix avec ça, ce qui s'est passé, je pense, pour certaines d'entre nous, mais choses auxquelles on ne s'attendait pas, de se mettre dans la peau d'une femme qui vit un certain type d'accouchement, ça peut t'avoir ramené à une tristesse ou une douleur ou une colère que tu as vécue. Puis c'est ce qui s'est passé, je pense, chez certaines d'entre nous. Il y a eu un contact de « Ah, mon Dieu! » Là, je fais ça dans ma scène et ça me fait vivre ça dans mon quotidien, dans ma vie personnelle. Alors oui, le spectacle n'est pas monté dans un but thérapeutique, mais malgré nous, il y a quelque chose, oui, qui, honnêtement, se vit. Vraiment, c'est intense, la naissance. Oui. Puis c'est chargé d'émotions. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Juste, je voulais vous poser comme question, est-ce que toutes les comédiennes et le comédien sont des comédiens professionnels? Oui. D'accord. Tout le monde est, ben oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça fait partie d'un atelier qui est donné par l'Union des artistes. Donc oui, chacun est membre de l'Union des artistes et comédien professionnel. Tout le monde travaille comme acteur, actrice. Chacun, il y en a qui travaillent plus à la télévision, d'autres plus en voix. Certains se donnent plus dans le domaine du théâtre, mais tout le monde est actif, oui, comme acteur, actrice. D'ailleurs, vous, Annie Arsenault, vous êtes comédienne depuis plus de 15 ans. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qui vous a attiré personnellement dans ce projet-là? En fait, j'ai deux enfants, deux garçons et mon aîné qui va bientôt avoir 7 ans. Donc, depuis 7 ans, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai eu un accouchement qui... Je fais une histoire longue là, pour répondre à la question. Quand j'ai eu mon premier enfant, il y a presque 7 ans, j'ai eu un déroulement d'accouchement. Disons que ce n'est pas passé à mon goût. Et j'ai vraiment senti là, en moi que j'avais envie de parler d'accouchement, de parler des femmes, de parler de la grossesse. Puis je ne l'ai pas fait à ce moment-là, mais je me disais, ça revenait toujours comme un refrain dans ma tête là, au fil des saisons, des années. Ah, j'aimerais ça un jour... parler de ça, parler de mon vécu, mais en parler plus de façon générale aussi. Puis j'étais très curieuse aussi de connaître l'expérience de d'autres femmes. Et donc, 6 ans et demi plus tard, quand j'ai eu connaissance de ce projet-là, je me suis sentie aussitôt attirée d'aller vers ça. Ça allait de soi pour moi que je m'inscrive à ce cours-là pour pouvoir jouer dans cette pièce-là. Oui. Tantôt, vous nous avez mentionné le nom de Mme Joanne Benoît, qui est la mm-hmm. metteur en scène de la pièce Naissance. Mm-hmm. J'imagine qu'elle a pu vous guider dans tout ce parcours-là, mais aussi, vous avez eu, comme vous avez mentionné, des conseillères, comme je pense une sage-femme, une accompagnante oui. qui vous ont guidé. Comment ça vous a apporté? Comment ça vous a apporté au niveau du jeu? Puis, ça a été comment le processus, justement, d'aide, d'accompagnement là-dedans? De deux choses l'une. D'abord, c'est Christiane Léonard, qui est sage-femme, qui est responsable sage-femme de Pointe-Claire, de la maison de naissance Pointe-Claire. Et il y a Sonia Laroche, qui est accompagnante. Elle fait partie du secteur de Blainville. Elle était natale à Blainville. OK. Merci, Maude. Maude les connaît plus que moi. Donc, à tour de rôle et ensemble, elles sont venues assister à quelques répétitions. Donc, de deux choses l'une. La première, c'est qu'elles pouvaient nous dire s'il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas d'un point de vue technique, pas par rapport aux accouchements, mais par rapport à « Ah, le médecin ne ferait pas ci. Ah, la sage-femme ne ferait pas ça. » Ou « Les professionnels agiraient plus de telle façon. » Ça, c'était la première chose, parce que nous, comme on ne connaît pas bien ni le milieu médical, ni le fonctionnement, les gestes que peuvent poser une sage-femme ou une accompagnante, ça nous aidait beaucoup. Et donc, la deuxième chose, c'était vraiment, comme chacune de nous vit l'accouchement live sur scène, bien sûr, on a tout accouché, on a tout vécu l'accouchement, mais quand tu le vis, je veux dire, t'es pas en train de penser, hey, dans 5 ans, je vais monter un show sur la naissance, il va falloir que je me souvienne de comment j'accouche. Ta mémoire, ton corps s'en souvient quelque part, mais comme tu dois le jouer, là, ton cerveau, il fonctionne, puis il se demande, est-ce que c'est comme ça que je râlerais, que je crierais, que je hummerais? est-ce que ce serait comme ça que je bougerais? Une fois que ton corps n'a plus le bébé dans ton ventre, comment est-ce que je me déplace? C'est facile quand tu l'as, ça prend bien de la place, c'est serré dans ton corps, je ne peux pas trop bouger de telle façon, quand je m'assois, comment je m'assois. Donc, c'était tout ça dont il fallait se rappeler. Si je suis dans mes contractions, mais qu'après ça, j'ai une péridurale, comment ça se passe? Ça fait plus mal. Ah, OK, c'est vrai, donc j'ai plus à râler comme je râlais il y a 2 minutes. Donc, c'était sur toutes ces questions-là, je pense que Sonia et Christiane nous ont bien éclairés. Pour faire en sorte que ça devienne crédible aussi. Parce que l'idée, oui, c'est une pièce de théâtre, mais fallait quand... Tu sais, on n'est pas dans un show complètement éclaté où la fille avait accouché suspendue la tête en bas. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de très réaliste dans la pièce. Oui, tout à fait. Puis comme vous disiez, quand on accouche, on s'observe pas nécessairement. Non. Donc, j'imagine que ça venait vous apporter un regard un peu, peut-être oui. externe. Oui. La semaine prochaine, on aura la chance unique de voir la première de la pièce Naissance. Oui. Comment vous sentez? Très bien, très bien. Mais c'est très excitant parce que c'est la première, c'est un peu un train qui s'arrête à une première gare, finalement. Puis il y a tellement d'énergie puis de travail qui a été mis sur ça. Donc, c'est très excitant. C'est très excitant de voir aussi que ben c'est très en demande. Hein. Les gens en parlent. Il y a beaucoup de... Il se passe beaucoup de choses autour de ça, là. D'un point de vue je pourrais peut-être ajouter d'un point de vue comédienne, on est tout en confiance, mais on sent quand même que ça arrive dans une semaine et demie et que c'est ça, dans la semaine prochaine, un soir, on va être sur scène puis on va la jouer. Donc, c'est un peu comme accoucher, version intellectuelle. Tu sais que ça s'en vient, t'es prêt, mais tu sais pas comment ça va se passer. Il faudra juste être dans un état de disponibilité et toutes les pratiques, les répétitions qu'on a eues, juste les laisser se vivre pleinement. Mais j'ai bien confiance et j'ai très hâte d'aller voir ça. En fait, la vente des billets va bon train. Vous avez même ajouté une supplémentaire à Montréal le 14 décembre. D'ailleurs, est-ce qu'il reste des billets là, pour nos auditeurs et auditrices? Eh bien, oui, il reste des billets. Là, maintenant, à Québec, il y a plus que la moitié des billets qui sont vendus. Donc, oui, il reste des billets. À Montréal, le 13 décembre, à l'Espace Go, c'est complet. Puis le 14 décembre, il y a presque la moitié des billets presque la moitié des billets qui est déjà vendu. Donc, ceux qui veulent y aller, ben c'est vrai que le soir même à Montréal, c'est certain qu'il n'en restera plus. Peut-être à Québec, il va en rester encore quelques-uns, mais voilà. Donc, puis en fait aussi, pour la représentation de Québec, ça mm-hmm. elle donne en même temps que le Congrès Enfants et le Monde. Est-ce que c'est un hasard? Non, pas du tout. C'est pas du tout un hasard. En fait, ça fait longtemps qu'on en parle, depuis même le début du projet qu'on parle. Bien, il y a Enfants et le Monde, il faut qu'on se déplace pour aller à Québec, pour présenter le spectacle, pour pas que tout le monde se déplace à Montréal. Puis aussi, étant donné qu'il va y avoir du monde un petit peu partout, c'était voulu. Donc, c'est un peu activité en marge du colloque. Hein? Donc, c'est pas dans le cadre de, mais c'est en même temps en même temps qu'Enfanter le Monde. Donc, tous les gens qui auront baigné là, durant ces deux jours-là dans le Congrès Enfanter le Monde vont pouvoir aller le vendredi soir voir votre pièce. Pour l'achat des billets à Québec, en fait, la pièce va avoir lieu au théâtre Les Gros Becs sur la rue Saint-Jean à Québec. Puis, j'invite tout le monde pour acheter les billets à téléphoner au 418-522-7880 au poste 1. Aussi, tantôt, on va vous donner là, l'adresse Internet sous peu au niveau du site de la pièce Naissance pour avoir plus d'informations. Puis en décembre, je vous rappelle que le 13 décembre est malheureusement déjà complet à Montréal, mais que le 14 décembre, il reste des places et ce sera joué à l'Espace Go à Montréal. Pour l'achat des billets, vous pouvez le faire aussi par téléphone ou en personne à la billetterie de l'Espace Go du mardi au samedi. Vous composez le 514-845-4890. Et puis, pouvez-vous nous donner l'adresse Internet, justement, de votre site? www.naissancequebec.com. Alors, on va y trouver toutes les infos. Mais surtout sur le site, excusez-moi, oui. Mais tout ce qui est les commanditaires, les partenaires, parce que c'est un aspect qui est capital. Je ne sais pas si ça venait, mais c'est très intéressant d'aller voir un peu tout l'ensemble des partenaires. Oui, justement, rapidement, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous nommer quelques partenaires qui ont vraiment rendu ce projet possible. Oui, tout à fait. Dans les partenaires, ce ne sont pas des partenaires qui sont financiers, mais qu'on partage une vision commune. On a plus de 35 organismes québécois, comme l'Ordre des sages-femmes, le regroupement des sages-femmes, l'UQTR, d'ailleurs, qui est un des partenaires, la SOGC, l'Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec, l'ASPQ. Et puis, il y a des tonnes et des tonnes d'organismes qui se sont associés à la pièce. Et les commanditaires, bien, on parle de l'Espace Go, les Gros Becs, l'Union des artistes, etc. Donc, c'est vraiment à voir sur le site. Ah, c'est vraiment très intéressant. Puis, il nous manque du temps pour parler encore et encore avec ces dames, la pièce Naissance. En fait, je sais qu'il va y avoir des panels de discussion, c'est bien ça, après les pièces? Oui, donc après chaque spectacle, il y a un panel de discussion qui va être composé de 3 professionnels qui travaillent dans les lieux où les femmes accouchent, qui va être animé et modéré avec Françoise Guénette à Québec et avec Catherine Chouinard de la SPQ à Montréal. Et donc, sur chaque... peut-être que j'en nomme quelques-uns si j'ai quelques instants. Quelques secondes. Quelques secondes, très bien. Donc, à Québec, on va avoir Rebecca Saint-Onge, responsable sage-femme, Myriam Tremblay, qui est omnipraticienne à Québec, et Hélène Vadeboncoeur. Puis à Montréal, ben, on va avoir sage-femme, on va avoir Isabelle Brabant, Christiane Léonard, Hélène Rousseau, qui est omnipraticienne à l'hôpital juif, Bernadette Thibaudeau, infirmière, ainsi que Joanne Lalande, gynécologue obstétricienne de la Ville-la-Salle, et Annie-Noël Detti, accompagnante. D'accord, voilà. Ben, je pense que ça va être vraiment riche en réflexion et en émotion. Mais c'est vraiment tout le temps qu'on avait, malheureusement. On aurait le goût de poursuivre et poursuivre. Fait que je vous remercie beaucoup, Annie Arsenault et Maude Poulain, merci. Pour votre générosité, merci. Votre disponibilité. Merci d'être venue nous rencontrer ici à Trois-Rivières, à l'UQTR. Alors, le mot de cambronne pour votre pièce. Au revoir. Merci. Au revoir. Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est Fou 89.1. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou, ça. Ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. On vient d'entendre, avant la pause musicale, la pièce « La sorcière et l'inquisiteur » de Rita Mitsouko sur l'album « Cool Frénésie ». Donc, comme on vous avait mentionné au début de l'émission, la seconde partie de notre émission est consacrée à l'AVAC, l'accouchement vaginal après césarienne. En 2010, au Québec, le taux de césarienne frôle les 25 % et ça inquiète beaucoup les spécialistes de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, entre autres, affirme que le taux de césarienne devrait se situer plus autour de 10 %. D'ailleurs, en ce moment, il y a la SOGC qui possède ses propres lignes directrices par rapport à l'AVAC. Puis, il mentionne dans les lignes directrices que dans certaines situations, l'essai de travail chez une patiente ayant déjà subi une césarienne s'avérera contre-indiqué, mais que dans la plupart des cas, un accouchement vaginal après une césarienne peut être réussi en toute sécurité, tant pour la mère que pour le bébé. Pour l'instant, la SOGC désigne 5 contre-indications pour l'AVAC, soit la césarienne classique antérieure ou la cicatrice en T inversée, qui était l'ancienne méthode, l'hystérotomie et ou la myomectomie avec l'intromission dans la cavité utérine, la rupture utérine antérieure, la présence de contre-indications au travail, exemple un placenta previa, et puis ben, si une patiente refuse tout simplement là, d'essayer un travail, d'entrer en travail naturellement. Donc, on est allé aussi voir au niveau de l'Association des sages-femmes ontariennes qui ont publié leur propre ligne directrice. Elle propose les mêmes contre-indications que la SOGC, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, mais elle diffère quant au lieu d'accouchement, puis au monitoring continu. Au Québec, l'Ordre des sages-femmes du Québec publiera bientôt ses propres lignes directrices concernant l'AVAC. Et puis, d'ailleurs, en 2008, il y a 32 hôpitaux au Québec qui sont au centre d'une collecte de données qui servira à évaluer la gestion des accouchements au Québec. Ça permettra aussi, entre autres, de saisir quels enjeux font baisser le taux de césarienne dans les milieux hospitaliers. Le coordonnateur du projet nous affirme aussi que les résultats ne seront malheureusement pas disponibles avant mars 2012. Une autre étude intéressante, comme un groupe de chercheurs au Québec, de Québec, Montréal et Sherbrooke, qui ont reçu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada pour évaluer le rôle de la mesure de la cicatrice utérine dans la pratique de l'AVAC. Aujourd'hui, maintenant, on a la chance de nous entretenir par téléphone avec Mme Sarah Burke, qui est en direct de Montréal. Mais avant ça, j'aimerais revenir avec une de nos invitées précédentes, Maude Poulain, qui nous avait mentionné lors de l'entrevue que les fonds recueillis lors de la pièce naissance vont être remis à l'organisme AVAC Info. Donc, Mme Poulain, pourquoi l'organisme AVAC Info? Eh bien, je trouvais personnellement que c'est un thème d'actualité. Comme vous avez bien expliqué ce qui se passe aujourd'hui avec les césariennes, c'est capital de pouvoir en parler, de mettre de l'avant des organismes qui travaillent en ce sens pour le choix des femmes, pour renseigner les femmes. Et ils ont un super beau projet. Sarah va vous expliquer ça comme un charme. Moi, je suis complètement tombée en amour avec leur projet. Puis il n'y a pas de projet comme ça en ce moment au Québec. Puis c'est... Pour moi, c'était une priorité que ce projet-là soit encouragé grandement financièrement. Voilà. Donc, les fonds de la pièce naissance vont servir à bon escient. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup pour cette précision. Alors, on s'entretient maintenant avec Mme Sarah Burke. Bonjour. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Bon. Ça ne sera pas long. On éprouve des petits problèmes techniques. Alors, bonjour, Sarah. Est-ce que vous nous entendez? Non, Sarah ne nous entend pas. On pourrait peut-être aller faire une petite pause musicale pendant qu'on rafistole tout cela. Ça ne sera pas bien long. Bonjour, on est de retour avec Sarah Burke. Bonjour, Madame Burke. Bonjour. Ah oui, on vous entend très bien maintenant, c'est merveilleux. Excellent, et moi je vous entends très bien aussi. Merci de nous accueillir avec Info sur vos ondes aujourd'hui. Oui, alors justement, vous êtes une des fondatrices de l'organisme avec Info. Pouvez-vous nous expliquer un peu d'où vient ce projet? Oui, certainement. Donc, en 2009, durant la Semaine mondiale de l'accouchement respecté, le regroupement Naissance-Renaissance ici à Montréal a eu une table ronde sur la césarienne. Pendant cette table ronde, je n'y étais pas présente en fait, mais mes collègues fondatrices y étaient, et ainsi que Hélène Vadeboncœur, donc bien sûr qui est connue comme une des personnes ayant beaucoup parlé de la VAC, aussi avec son livre sur la VAC qui est en train de sortir en des versions anglaises et espagnoles très bientôt. Et Hélène Vadeboncœur a fait un appel à l'action aux femmes pour aider les femmes à avoir un AVAC, à recommencer à supporter aussi les femmes pour leur AVAC. Les membres fondatrices se sont rencontrées suivant cet appel à l'action d'Hélène et quelques mois plus tard, je suis également arrivée dans le portrait. Et on est passé à l'action avec l'aide d'Hélène pour fonder AVAC Info. D'accord. Et puis, pourquoi partir un organisme sur l'AVAC? En fait, un peu comme vous avez mentionné plus tôt, l'augmentation du taux de césarienne, malgré que là, depuis les quelques dernières années, il est stable au Québec, qui est très bien, mais il pourrait encore descendre. Au Canada et aux États-Unis, ça continue d'augmenter. Il y a aussi eu une diminution du taux de l'AVAC. Donc, dans les années 90, le taux d'AVAC a augmenté, puis on le revoit descendre. En plus, au Québec, en ce moment, les taux d'AVAC sont très différents à travers la province. Dans certains hôpitaux, il y a beaucoup d'AVAC, dans d'autres, à peine 5 % d'AVAC. Aussi, à cause de l'expérience souvent négative de la césarienne pour les femmes, on s'est rendu compte que les femmes ont besoin de partager leur expérience d'accouchement de césarienne et d'AVAC. Et donc, on voulait créer quand même un espace pour ces femmes, les supporter et pouvoir aussi parler de l'AVAC aux femmes qui en veulent, oui, et à la communauté plus large, donc pour informer les gens. D'accord. Puis, quels sont les services que vous offrez justement aux femmes? Donc, on est à nos tout débuts. Donc, une de nos réalisations importantes a été de lancer notre site web sur lequel on a déjà de l'information et qu'on veut continuer d'en ajouter. Donc, pour qu'il y ait une première ressource, il y a quelques ressources en ligne sur la césarienne, l'AVAC, mais il y a beaucoup d'informations en anglais. Donc, nous voulions avoir non seulement un site qui parle des risques et de certains des avantages de la césarienne, mais surtout un site qui encourage vers l'AVAC, donc qui n'existait pas vraiment en français, surtout pas dans le contexte québécois. Donc, ça, c'est notre premier outil qui permet d'informer et de donner des ressources aux femmes. Nous avons aussi commencé à offrir des soirées de partage. Donc, nous avons eu notre première soirée de partage il y a quelques semaines qui a été un franc succès avec 12 participantes qui sont venues parler de leur césarienne, de leur AVAC, de tous les enjeux qui entourent l'AVAC, de leurs difficultés, de leurs réussites, de leur expérience de femme. Et puis, nous voulons éventuellement aussi offrir une ligne téléphonique. Et pour l'instant, c'est surtout au niveau des courriels que nous sommes en mesure de répondre aux questions des femmes et de leur donner des ressources pour faire leur choix face à l'accouchement et face à l'AVAC. D'ailleurs, pouvez-vous me donner l'adresse de votre site Internet pour qu'on puisse aller visiter tout ça? Oui, donc c'est le www.avac-info.org. Et puis, on est en train de continuer à y travailler. C'est une première version et une deuxième avec plus d'informations, de photos et autres s'en vient très prochainement. Puis on peut vous suivre aussi sur Facebook, je crois. Oui, sur Facebook, on est rendu à plus de 500 adeptes. Donc on en est très fiers. On est très contente que les gens partagent avec leurs amis et que de plus en plus de personnes deviennent adeptes. Donc on essaie de partager des nouvelles, partager nos activités, de l'information sur l'AVAC à travers Facebook également. Donc, tout simplement en tapant AVAC-info. D'accord. Puis, dans la première partie de l'émission, on s'est entretenu sur la pièce naissance. On sait que, justement, 75 % des fonds vont aller justement à votre organisme. On voulait savoir à quoi vont servir ces argents. Donc, à continuer surtout développer l'équipe d'AVAC Info pour offrir des services aux femmes. Nous avons commencé notre première formation de marraine d'AVAC, donc un peu en jouant sur les mots comme marraine d'allaitement. Notre équipe se forme de marraine d'AVAC, donc que ce soit les femmes qui vont répondre à des courriels, animer des soirées partage, éventuellement répondre au téléphone pour répondre aux questions et offrir des ressources aux femmes gérer le site web. Toutes ces femmes sont des marraines d'AVAC parce qu'elles y croient. Elles supportent les femmes et elles informent les femmes pour l'AVAC. Donc, ça va surtout servir à développer ce volet. Éventuellement aussi, dont je parle d'une ligne téléphonique, nous aimerions avoir un dépliant sur l'AVAC. En ce moment, il en existe un de l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, sur la césarienne. Donc, nous pensons qu'un dépliant sur l'AVAC serait aussi très nécessaire dans le contexte québécois. Oui, tout à fait. Et puis, qu'est-ce que vous pensez que vont être vos prochaines sorties publiques? En fait, nous sommes très contentes d'être présentes à Enfanter le monde. Donc, les 25 et 26 novembre, au Centre des congrès de Québec, nous serons sur place avec un kiosque. En fait, nous partageons un kiosque avec Melon et Clémentine, qui est l'allaitement sous toutes ses formes, une boutique ici, un café à Montréal. C'est l'endroit où on a eu notre soirée partage et notre formation de marraine. Donc, on partage un kiosque avec ces femmes qui nous ont ouvert les bras pour nous permettre d'utiliser leur espace. Bien sûr, nous serons sur place à la pièce naissance à Québec. Donc, avec nos flyers, avec aussi le livre d'Hélène Vaudeboncoeur. Nous serons sur place les 13 et 14 décembre à Montréal à la pièce naissance. Il y aura un prochain après-midi partage à Montréal dont la date est déterminée en décembre. Et nous sommes très contentes aussi de nous rendre à Québec. Le 8 janvier, nous planifions une activité à Québec qui sera un peu un après-midi partage pour que les femmes puissent partager leurs expériences, mais aussi nous voulons apporter une réflexion et une discussion sur l'AVAC en tant que telle. Donc, c'est quoi les enjeux reliés à la VAC, pourquoi la disponibilité ou l'accessibilité n'est pas là, et pourquoi, en fait, nous ne voulons pas que ce soit une césarienne un jour, une césarienne toujours. Oui, puis en fait, même si votre organisme est basé à Montréal, je peux comprendre que vous voulez offrir des services aux femmes à la grandeur du Québec. C'est bien ça, via votre site Internet, puis la ligne éventuellement, la ligne téléphonique? Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que via le site, c'est accessible à toutes. Nous avons des questions d'un peu partout au Québec, d'ici à Montréal jusqu'à Rimouski, et j'en passe. Nous avons aussi des femmes qui nous ont contactées de différents endroits pour s'impliquer. Donc, à Québec, nous avons déjà une des nouvelles marraines d'AVAC qui sera à Québec, qui habite en fait à Québec. D'autres femmes de Québec nous ont mentionné leur intérêt, ainsi que dans les Laurentides, à Trois-Rivières et potentiellement d'autres villes. Donc, nous voulons surtout pouvoir offrir aux femmes cet espace de partage en ayant un pied à terre dans plusieurs endroits au Québec. D'accord. Puis, à long terme, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre organisme? Quelle belle question. Je pense qu'on peut souhaiter que toute la population québécoise soit membre d'AVAC Info. En fait, je pense qu'on peut souhaiter que tout le monde sache que l'AVAC existe, que l'AVAC est possible, et que les femmes puissent avoir accès à l'AVAC avec du soutien, du support, de la bonne information. Et que qu'AVAC Info puisse continuer de soutenir les femmes dans leur démarche. D'accord. Puis en terminant, est-ce que vous pensez que justement les projets de recherche, entre autres, auxquels participe le Dr Bugeaud sur l'étude des cicatrices, vont permettre justement de rendre l'AVAC encore plus accessible? Je l'espère. Je crois sincèrement que nous devons informer les meilleures pratiques en périnatalité par la recherche et par les données scientifiques probantes. Donc, je pense que les études telles que celles du Dr Emmanuel Bugeaud et ainsi que Charisma sur les taux de césariennes dans les hôpitaux au Québec, je pense que ce sont des études très importantes et que d'autres, j'espère, serviront à donner l'accessibilité aux services envers l'accouchement physiologique normal, que ce soit en milieu hospitalier ou que ce soit en maison de naissance ou à la maison. D'accord. Bien, en fait, c'était très intéressant et je vous remercie infiniment, Mme Burke, d'avoir été avec nous. Et puis, on va vous revoir justement dans le cadre d'Enfanter le monde et puis à la pièce naissance. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Donc, oui, le temps file durant notre émission. C'est incroyable. Je vous invite à aller nous voir sur Facebook ou à l'émission Connaître ensemble. Puis, je vous rappelle aussi de voter pour les projets de maison de naissance dans le cadre du concours Fonds communautaire Aviva, qui encourage les initiatives positives et durables dans la société. Donc, vous rendez au www.fonds, au pluriel communautaire, au singulier, aviva.org. On va voir la pièce naissance, on va enfanter le monde, on s'informe, on consulte le site d'AVAC Info. Et puis, je remercie grandement toute l'équipe de l'émission Connaître ensemble. Je remercie également la Chasse-Galerie pour leur commandite. Puis, on va se quitter en chanson avec une courte chanson, n'est-ce pas? Et puis, vous allez pouvoir entendre « Vous et nous » de Brigitte Fontaine. Ce n'est rien, ça n'étonnerait personne. Ce n'est rien, à quoi bon reparler de ça? Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première.